Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les mythes nationaux sont-ils des tissus de mensonges? Déjà, l'association des mots mythe et tissu provoque un frémissement. Dans la penderie où se trouvent les récits fondateurs de la nation, est-il possible que des mythes se soient glissés pour grignoter la vérité? Pourtant, des héros incroyables sont nécessaires à notre imaginaire. Vercingétorix, Guillaume Tell, Ivan Noé, des récits fantastiques qui les portent nous fascinent encore et toujours. La bataille, Roncevaux, le vase de Soissons et tant d'autres histoires. Ces textes fondateurs ont été inventés. Mais le mot invention est magique. Il a un double sens. Il signifie trouver, inventer un manuscrit médiéval qui était oublié. Il signifie imaginer. L'étude de ces textes est passionnante. Et ça, c'est une vérité. Anne-Marie Thiès, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Dites-nous, à partir de quel moment peut-on dater l'engouement pour la recherche de textes fondateurs d'un peuple, d'une nation ? Alors, la recherche de textes anciens, elle est très très ancienne, puisqu'il y a eu des recherches sur les textes de l'Antiquité de manière assez continue, au moins depuis la Renaissance. Mais l'engouement pour les textes fondateurs des nations, c'est-à-dire des textes d'un nouveau type, proposant justement des antiquités différentes de l'Antiquité gréco-latine, des antiquités proprement nationales. Au début, ça sera essentiellement des antiquités celtiques. Cet engouement, il commence au milieu du XVIIIe siècle, pas avant. Pourquoi ? Il va commencer dans le nord de l'Europe, les pays scandinaves et puis aussi l'Écosse. Anne-Marie Thiès, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez écrit « La création des identités nationales en Europe, 18e, 20e siècle » et puis plus récemment « La fabrique de l'écrivain national entre littérature et politique ». Dans cette construction de l'idée d'une origine qui soit vraiment propre à un peuple, il faut... par logique, que la notion de peuple se mette en place. C'est-à-dire que cette volonté de chercher une origine à un peuple remplace la volonté de quoi ? De chercher une origine à une dynastie, à un roi ? Oui, tout à fait. C'est concomitant à la période où, philosophiquement, politiquement, idéologiquement, va émerger une autre idée tout à fait fondatrice pour nous, encore aujourd'hui. C'est l'idée que c'est une communauté, la nation, qui doit être légitime, détentrice de la souveraineté, du principe de souveraineté, et pas un monarque. Et pour ça, il faut donner une légitimité à cette communauté elle-même. Et à la différence d'une monarchie qui peut se prévaloir soit de la volonté divine, soit plus techniquement et efficacement de la force des armes, cette communauté, il va falloir qu'elle... On est en période de sécularisation, de séparation du politique et du religieux, progressive. Eh bien, cette communauté, il faut qu'elle se justifie par elle-même. Et quel est le meilleur moyen, dans une cadre d'une pensée assez rationnelle, début de la pensée scientifique, quel est le meilleur moyen de se légitimer? C'est de dire que la communauté, elle existe depuis très très très longtemps, depuis la nuit des temps. Donc il faut lui trouver des origines. Et c'est en cela qu'il va falloir, pour chaque nation, produire des antiquités et des preuves de cette antiquité les plus lointaines possibles et essayer de trouver des textes fondateurs. Ces textes fondateurs nous intéressent aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture parce que pour certains, ils existent, il ne faut pas le nier, tout n'est pas faux. Peut-être que leur interprétation est fausse et pour d'autres, ils sont faux. Anne-Marie Thiès, vous avez évoqué le nord de l'Europe, nous partons en Écosse. En France, ce fut du délire. Ossian devint la toute nouvelle mode, donc c'est Xalter, Madame de Staël, Chateaubriand et le jeune Bonaparte qui, toute sa vie durant, lui voit un véritable culte. Fingal et Témora figuraient dans la petite bibliothèque de campagne du premier consul, puis de l'empereur. Et l'on connaissait si bien cette passion qu'on ne pouvait lui faire plus grand plaisir que de lui offrir un tableau illustrant un épisode de ses livres préférés. Girodet composa pour lui un étrange Ossian accueillant les héros de la République, où l'on voit Fingal et ses fils embrasser éperdument les généraux de la Révolution. Et lorsqu'on attendait la visite de Napoléon à Rome en 1810, Ingres peignit dans la chambre qu'on avait installée pour l'empereur au Quirinal un songe d'Ossian absolument extraordinaire. Ingres, ce monsieur Ingres que les partisans de Delacroix traitaient de vieille perruque, a composé ce jour-là le tableau le plus romantique peut-être qui existe, dans une sorte de clair-obscur lunaire qui évoque la nuit des temps, le crépuscule celtique et les nuages wagnériens, s'agitent de mystérieux guerriers, tandis qu'Ossian, endormi, sa lyre à ses pieds, rêve les exploits prodigieux de ses héros. Formidable Ossian, qui est raconté par Marcel Brion, historien de l'art, dans l'émission Heure de culture française en 1954. Anne-Marie Thiès, quel est ce mythe d'Ossian ? Alors, Ossian, c'est un barde du 3e siècle après Jésus-Christ, un barde celtique, qui apparaît vers 1759-1760 sous la plume d'un jeune écossais qui s'appelle James Macpherson. Ce jeune intellectuel écossais qui rêvait de faire une carrière de poète en anglais est pris en charge par des intellectuels de l'Université d'Édimbourg, de grands intellectuels qui connaissent extrêmement bien l'Antiquité classique et notamment toutes les réflexions récentes autour d'Homère. Et ils vont demander à ce jeune intellectuel d'origine sociale modeste, donc supposé connaître les langues vernaculaires celtiques, d'aller recueillir des chants populaires auprès des paysans, auprès des pêcheurs, dans les endroits les plus reculés, les plus isolés. Parce qu'il y a derrière cette idée que les chants populaires contemporains, ce sont les fragments d'antiques épopées qui étaient donc les grands textes des grands ancêtres. Et que donc, grâce à la tradition c'est la transmission à travers les siècles, dans ces populations isolées, pauvres, donc préservées des la culture moderne internationale, on va donc pouvoir remonter aux origines. Donc c'est Pompéi, les fouilles de Pompéi viennent d'avoir lieu. Et là, c'est l'idée, on va faire des fouilles dans les esprits des paysans contemporains pour retrouver, en gros, ce que fut la culture de nos grands ancêtres. Alors, on a dépublié, dès 1761, une première épopée, qui va être suivie 2 ans plus tard par une autre. Comme il y avait une Iliade, une Odyssée, on va avoir 2 épopées attribuées à ce barde Ossian. Donc, c'est porté par ces intellectuels qui font les commentaires, qui expliquent, qui donnent un apparat critique historique pour dire oui, c'est absolument sérieux, c'est un vrai travail et ça prouve bien que nos ancêtres avaient une culture. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette création, en quelque sorte, écossaise, va avoir un retentissement extraordinaire sur toute l'Europe pendant un siècle. Donc on a, dans le cas français, Chateaubriand, Madame de Staël qui s'enthousiasme, Napoléon effectivement qui fait entrer carrément la grande armée et ses généraux dans l'univers d'Ossian. Mais c'est vraiment une affaire de toute l'Europe, parce que 10 ans après les publications de ces épopées écossaises, on a un jeune Allemand qui publie un roman tout à fait fondateur, qui va être connu sous le nom de Werther. Et un élément fondamental à l'intérieur de ce roman, ce sont les traductions d'Ossian que le jeune héros Werther fait à sa bien-aimée. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'Ossian ? C'est le premier romantique. C'est-à-dire qu'il est fondateur d'une nouvelle esthétique, très antique mais totalement contemporaine et novatrice pour l'Europe de la fin du XVIIIe siècle et qui idéologiquement porte la grande idée, eh bien chaque nation avait son antiquité propre et il faut la rechercher. Et on a après pendant un siècle des recherches frénétiques partout en Europe des origines nationales et donc des recherches frénétiques de chants populaires ou de manuscrits issus de la culture des grands ancêtres et qui vont permettre de fonder les cultures nationales modernes. Alors, nous avons plusieurs démarches possibles. Il y a collecter des chants et dans ce cas-là, la question de la source se pose moins, la matérialité de la source se pose moins. Anne-Marie Thiès, quand un faux document est produit, sa matérialité pose question. Il y a un objet, il y a un manuscrit censé être médiéval. Comment est-ce réalisé ? Alors, bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on part en chasse, beaucoup de jeunes intellectuels patriotes, à partir de la fin du XVIIIe siècle, et puis ça va courir tout au long du XIXe siècle, vont partir en chasse de manuscrits fondateurs. Et là, ils vont avoir une chance extraordinaire, fin XVIIIe siècle, début du XIXe, des révolutions et des guerres. Bon, a priori, c'est pas favorable hein, à la recherche philologique et tout le monde vous dira, mon Dieu, quelle horreur. Mais là, en l'occurrence, ça va produire une espèce de grand chambardement des manuscrits, c'est-à-dire que des manuscrits qui, alors on dira à ce moment-là, qui dormaient dans des couvents, dans des châteaux, des bibliothèques de châteaux, bah, vont apparaître. Parce que, par exemple, en France, il y a appropriation par la nation nouvellement proclamée, eh bien, des biens ecclésiastiques, de biens aristocratiques confisqués. En Allemagne, au moment où disparaît l'Empire romain germanique, eh bien, les biens du clergé passent aux mains de possesseurs princiers. Et il y a des dizaines et des dizaines de milliers de manuscrits qui vont entrer sur des charrettes et échanger de lieu, et qui vont devenir visibles et catalogables. Puis il y a des appropriations, évidemment, par les armées. Donc, il y a une matérialité de manuscrits qui apparaît. Et en même temps, il y a des désirs terribles, frénétiques, de trouver les manuscrits qu'on voudrait trouver, les manuscrits fondateurs. Et on va avoir des cas, effectivement, de fabrication de manuscrits. Alors, il y en a un qui est très, très célèbre, c'est la fabrication des manuscrits tchèques. Ça, c'est passionnant d'ailleurs à voir, parce que cette fabrication de manuscrits est dans l'image absolue que nous pouvons avoir de la création d'infos. Comment ça s'est passé tout ça? C'est un petit peu comme les faussaires en peinture, c'est pas la portée de n'importe qui de faire un faux qui puisse avoir quand même un certain retentissement. Bon, dans le cas des manuscrits tchèques, il s'agit de jeunes érudits qui viennent d'être formés au début de la philologie dans la langue nationale tchèque médiévale auprès du meilleur spécialiste, Dobrovski. Et puis, ces jeunes gens vont à un moment donné raconter qu'ils ont découvert précisément dans une église abandonnée, dans un coin, la couverture d'un autre livre. Bon, ce sont des choses qui existent, hein, par ailleurs, qu'ils ont découvert un manuscrit très très ancien du XIIIe siècle, puis il va y en avoir même un autre du IXe siècle, qui prouve qu'il y a des poèmes ou des fragments de poèmes épiques qui attestent de l'ancienneté de la nation et de l'ancienneté de sa culture. Bon, ils se sont formés d'une part à la connaissance de la langue tchèque médiévale. Ils connaissent bien d'autres productions de l'époque du type Ossiane et d'autres manuscrits qui sont en train d'être publiés. Et puis, ils vont s'entraîner à reproduire une graphie médiévale sur un parchemin ancien qui a été regratté. Ils font un palimpseste en quelque sorte moderne. Ça va marcher. Alors, leur professeur n'y croit pas trop, hein. Lui, il soupçonne tout de suite. Mais c'est exactement ce que des quantités de jeunes intellectuels patriotes ont envie de découvrir à l'époque, notamment dans le cadre de l'affirmation d'une nation tchèque opprimée dans le cadre de l'Empire habsbourgeois. Et ce qu'ils vont trouver, notamment la légende de la princesse Libouze, ça va être fondateur d'une culture nationale tchèque moderne. Il va y avoir sur cette fameuse princesse Libouze qu'ils mettent en valeur, fondatrice en quelque sorte d'une dynastie tchèque et d'une nation tchèque, il va y avoir des créations de romans, ça va devenir un personnage romanesque, un personnage de pièces de théâtre, un personnage d'opéra. Et il y a puis un personnage qui va être aussi beaucoup représenté en peinture, et il y a là le démarrage d'une culture moderne. Et ce qui fait que chaque fois que ces manuscrits vont être mis en question, ça va apparaître comme une atteinte à la fois nationale et à la fois patriotique. Et l'affaire va durer jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est très très long, hein. Et jusqu'au moment où d'autres éléments confortant l'existence d'une nation tchèque vigoureuse, solide et s'affirmant de plus en plus clairement dans l'Empire habsbourgeois, où des grands intellectuels vont dire « bon là, stop maintenant, ça suffit ». Ça suffit parce qu'il y a cette concurrence entre les nations qui empêche d'aller imposer trop souvent des faux. Mais à côté de ça, il y a une volonté, mais vous l'expliquez bien, Anne-Marie Thiès, c'est plus fort qu'eux, ils ont là sous les yeux ce qu'ils cherchaient tant. Nous avons évoqué un peu l'Écosse, nous avons évoqué un peu l'Allemagne avec le jeune Werther de Goethe, nous avons évoqué aussi les Tchèques, faut penser aux Russes. L'opéra Le Prince Igor de Borodine à la fin du 19e siècle, on est en 1890, ce sont les danses polovtsiennes. Alors attention, Marie Placet qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric m'a bien dit, précise, il s'agit de la danse des garçons, pour ne pas confondre. Mais en écoutant cet extrait d'opéra, nous saisissons combien tout cela fait partie de notre culture, de notre identité même. Ça évoque tout de suite quelque chose. Qui est ce prince Igor que Borodine magnifie dans son opéra? Alors juste une petite remarque, la Covid au printemps 2020 nous a privés d'une représentation du prince Igor à l'opéra de Paris et c'est un grand regret pour les amateurs de Borodine. Alors ce prince Igor, il est issu justement d'un manuscrit redécouvert en 1800. Il y aurait eu vente par un supérieur de couvent orthodoxe de vieux manuscrits à un comte Moussine Pouchkine et qui, dans le lot qu'il achète, découvre un manuscrit qui lui paraît absolument extraordinaire, donc celui d'une d'une grande offensive menée par le prince Igor contre des tribus sauvages, donc les fameuses tribus polovtsiennes. Et ce manuscrit lui paraît tellement extraordinaire qu'il le fait recopier et puis donne une édition publiée. Et bon, il commence là encore à y avoir quelques contestations. Oui, mais alors, montrez-nous l'original, la preuve. Ben oui, mais comme chacun sait, en 1812, Moscou brûle. Napoléon. Et ben, le palais du prince a brûlé et avec lui le manuscrit. Alors, c'est pas la seule histoire. Il y a quand même beaucoup pendant ces guerres vraiment de vraies histoires de manuscrits qui brûlent. Mais bon, du coup, pas d'original. Et il n'y aura donc à présenter que la copie qui a été faite et donnée à la tsarine et puis cette édition publiée. Alors là encore, c'est fondateur en quelque sorte d'une culture russe dans les temps anciens et c'est important pour l'affirmation progressive d'une culture russe moderne. Hein. La Russie souffre pendant longtemps d'être en quelque sorte en retard par rapport à l'Ouest, mais là c'est un moyen de rattraper et justement sa mise en opéra est un moyen précisément d'affirmer que comme tous ces personnages importants qui ont été mis au jour à partir de manuscrits médiévaux, la Russie, elle aussi, a son grand personnage. Alors, au moment où il y a la contestation de ces manuscrits tchèques, l'offensive, elle va repartir sur ce manuscrit russe. Et là, l'affaire, elle ne va pas durer simplement un siècle, elle dure encore. Elle dure encore. Alors, d'une part, parce que on a ainsi un spécialiste de culture russe français, André Mazon, qui encore en 1940 publie un texte critiquant ce manuscrit en disant non, c'est comme Ossian, c'est comme les manuscrits tchèques, tout ça, c'est une invention. Et là, il reçoit une volée de bois vert, le moins qu'on puisse dire, qui lui arrive de New York, où un certain Roman Jakobson, grand-père fondateur de la linguistique moderne, donc d'origine russe, répond très très vertement que non, pas question. Et si l'on fait des études statistiques sur le vocabulaire de cette épopée, sur la métrique, etc., on s'aperçoit que c'est vrai. Et la même méthode prouvant que les manuscrits tchèques étaient faux. Donc là encore, l'offensive est très très forte. Hein, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et l'Académie des sciences de l'Union soviétique, alors on sait que depuis 1937, il y a eu le tournant national hein, de l'Union soviétique, affirme que c'est absolument un monument authentique et qui prouve bien que déjà au Moyen-Âge, en quelque sorte, le peuple russe avait produit une épopée patriotique et qui était assez proche finalement de ce qu'on appellera le réalisme socialiste à la période stalinienne. En fait, il était précurseur, non pas du romantisme, mais du réalisme socialiste. Et il y a encore une quinzaine d'années, un grand linguiste russe, formé d'ailleurs en France, à l'École normale supérieure, a encore produit un texte prouvant qu'il s'agit d'un grand texte authentique. Donc ces disputes, elles peuvent durer de siècles, de la même manière qu'il y a encore des débats sur Ossian. Encore de nos jours, et sur l'authenticité d'Ossian. Justement, ces débats ne se limitent pas à un monde fermé et universitaire. Ils peuvent avoir un écho bien plus loin dans la société, ce qui montre bien qu'ils sont textes fondateurs de la nation. Dites-nous, Anne-Marie Thiès, dans leur volonté justement d'être présent, et pas seulement à l'université, et pas seulement dans les textes, il y a une démultiplication de ces récits sur des supports différents. Vous avez évoqué le romantisme, mais ce romantisme n'est pas simplement qu'en littérature, il est en peinture. C'est important aussi pour comprendre combien ces mythes entrent dans l'esprit des gens. Mais ces mythes, ils deviennent multidéclinés. On va les trouver en peinture, notamment alors dans cette grande peinture, on a évoqué tout à l'heure hein, les Girodet et Ingres qui ont représenté Ossiane. Mais il y en a quantité d'autres. Il suffit d'aller dans les musées de peinture du 19e siècle pour en voir à foison. Et puis, ça va être reproduit en gravure. Et puis, dans les manuels scolaires, notamment. Et puis, dans les mêmes affiches publicitaires, telles qu'elles se développent à partir de la fin du 19e siècle. Vous achetez du chocolat et vous allez vous retrouver avec une représentation de héros mythiques. Eh bien justement, nous allons jouer à un jeu avec vous, Anne-Marie Thiès. Vous allez pouvoir nous décrypter un mythe que nous connaissons tous. Alors je dis mythe, non, c'est pas du tout un mythe, c'est une histoire. Et là, la question est compliquée parce que le texte est vrai, l'interprétation est fausse ou exagérée. Écoutez, rejoignons Roland à Roncevaux. Le combat est merveilleux et pesant. Moult bien y frappe Olivier et Roland. Les 12 pairs ne retardent néant. Et les Français frappent communément. Meurent païens à milliers à cent. Qui ne s'enfuit n'a pas d'autre garant. Qu'il veuille ou non, il y laisse son temps. Français y perdent leur meilleur garnement, ne reverront ni père, ni parents, ni Charlemagne, qui au col les attend. Un extrait de la chanson de Roland, diffusée à la radio, c'était en 1956. Anne-Marie Thiès, vous avez évoqué justement que certains de ces mythes sont enseignés à l'école. Eh bien, c'est diffusé dans la radio scolaire des années 1950. Alors, racontez-nous l'aventure de cette chanson de Roland. Alors, la chanson de Roland, comme chanson de geste, a existé évidemment sous diverses formes depuis l'époque médiévale. Et elle n'intéresse guère les érudits français avant la monarchie de Juillet. Vous savez, on le sait, la monarchie de Juillet... 1830. Voilà, c'est le moment où va commencer l'écriture d'histoire de France, véritablement. Et puis, c'est le moment où la France va se lancer de manière systématique dans l'étude de ces manuscrits médiévaux. Bon, non sans une certaine réticence du monde académique qui considère comme que la véritable littérature française, c'est la littérature classique. Bon, début des années 1830, on a deux publications de véritables manuscrits de chansons de geste, l'un qui était dans la Bibliothèque Royale, enfin deux qui étaient dans la Bibliothèque Royale à Paris, et puis un autre qui est découvert par un jeune intellectuel français, Francisque Michel, à la Bodleian Library d'Oxford. C'est la chanson de Roncevaux que nous connaissons aujourd'hui. Bon, il la publie. Il est très très très content de sa trouvaille, qui est vraiment tout à fait authentique. Bon, il publie dans l'original, et là, plof, aucun intérêt. Il est obligé de publier à compte d'auteur, à 200 exemplaires, et ça n'intéresse personne. Parce qu'il va falloir convaincre les Français que la littérature médiévale, ça a quand même de la valeur et de l'intérêt. Alors, il y a quelques médiévistes qui s'y mettent. Au milieu du 19e siècle, la création d'une chaire de littérature médiévale au Collège de France, occupée par un certain Paulin Paris, qui va combattre toute sa vie pour promouvoir la littérature médiévale. Bon, il prêche pendant longtemps dans un semi-désert, il voue aussi son fils à l'amour de la littérature médiévale, et son fils va d'ailleurs devenir son successeur. Et la chanson de Roland, elle va finalement arriver dans l'imaginaire des Français contemporains assez tard dans le siècle. Elle y arrive très précisément le 8 décembre 1870. Donc c'est une année triste, c'est une année terrible. Il y a eu Sedan. Paris est assiégé par les troupes prussiennes. Et Gaston Paris donne à ce moment-là, au Collège de France, une conférence intitulée « La chanson de Roncevaux et la nationalité française ». Et en reprenant ce qui s'est passé dans Berlin assiégé par les troupes napoléoniennes au début du 19e siècle, il va exhorter les Français contemporains à s'inspirer des héros de la chanson de Roland et à défendre la patrie. Et c'est une conférence extrêmement impressionnante. Et là, c'est aussi le coup d'envoi pour dire oui, Roland, c'est une leçon pour les petits Français d'aujourd'hui. Et donc, quelques années plus tard, la chanson de Roland va être au programme de l'agrégation de lettres, puis au programme de la classe de seconde dans les lycées. Et puis, il va y avoir des éditions scolaires. Et à partir de ce moment-là, ben, Roland, c'est un modèle pour les futurs citoyens qui sont exhortés à s'inspirer de l'exemple de Roland, c'est-à-dire mourir en combattant, donner sa vie pour la patrie. Et on sait ce que ça veut dire, l'impôt du sang, lorsque les armées deviennent des armées de conscription. Et Roland ben, va rejoindre Vercingétorix, il va rejoindre Duguesclin, il va rejoindre Bayard et Jeanne d'Arc dans cette série de héros qui donnent leur vie pour la patrie, pour la nation. Cette conférence de Gaston Paris en décembre 1870 au Collège de France, vous en avez mis une citation en exergue de votre ouvrage Anne-Marie Thiès, La fabrique de l'écrivain national entre littérature et politique, publié chez Gallimard. Et Gaston Paris disait « La littérature est l'expression de la vie nationale. Là où il n'y a pas de littérature nationale, il n'y a qu'une vie nationale imparfaite. » Cette réflexion sur la nation, nous sommes en 1870, est en fait le fruit d'une réflexion plus longue sur ce qu'est la nation, mais qui ne vaut pas que pour la France. Nous connaissons les points de vue divergents selon les pays sur ce qu'est une nation. Cependant, dans ces textes fondateurs, dans la volonté de construire, j'ai envie de dire, la nation parfaite avec un héros, avec un mythe, avec un territoire, on peut trouver des traits communs partout en Europe. Oui, parce que il y a vraiment, dès les débuts, hein, dès la réception d'Ossiane, enfin, on peut même dire ça existait avant, mais Ossiane va être l'élément déclencheur. C'était ce que tout le monde attendait, en quelque sorte, parmi ces jeunes intellectuels qui voulaient changer le monde. Ils voulaient sortir de ce qui était pour eux un mensonge, c'est-à-dire l'Ancien Régime et les justifications de l'Ancien Régime. Eux, ils prétendaient apporter la vérité avec des nouveaux textes, d'où l'importance donc de toutes ces découvertes. Mais dès les origines, il y a l'idée qu'il faut, ça doit être un mouvement d'ensemble, qu'il faut avancer ensemble. Et d'ailleurs, dès qu'il y a une publication de textes de ce type dans un pays, les intellectuels des autres observent, saluent et disent « mais c'est extraordinaire, oui, regardez, eux aussi ils ont trouvé, ou bien regardez, eux aussi regardez ce qu'ils ont trouvé, et nous ne devrions pas être en retard ». Dans le cas français, il y a aussi curieux que cela puisse paraître, puisque nous pensons être la première des nations politiquement et culturellement, il y a une grande angoisse chez les intellectuels français à partir de la fin du XVIIIe siècle, de la période révolutionnaire, l'idée que culturellement, justement, dans le cadre de ces découvertes, il y aurait un retard français. Et le romantisme, tel qu'il se déroule en France, c'est souvent une espèce de programme de rattrapage qu'il importe de mener le plus vite possible. Et dès lors, ceux qui pensent l'histoire construisent peu à peu la nation. Ils n'inventent pas, ils prennent des éléments du passé pour construire un récit. Jules Michelet, vous parliez, Anne-Marie Thiès, de l'importance de ce moment qu'est la monarchie de Juillet dans les années 1830. Eh bien justement, Jules Michelet écrit son histoire de France. Pour celui qui passe la frontière et compare la France au pays qui l'entoure, la première impression n'est pas favorable. Il est peu de côtés où l'étranger ne semble supérieur. De Mons à Valenciennes, de Douvres à Calais, la différence est pénible. La Normandie est une Angleterre, une pâle Angleterre. Que sont pour le commerce et l'industrie Rouen, Le Havre, à côté de Manchester et de Liverpool. L'Alsace est une Allemagne, moins ce qui fait la gloire de l'Allemagne. L'omniscience, la profondeur philosophique, la naïveté poétique. Mais il ne faut pas prendre ainsi la France pièce à pièce, il faut l'embrasser dans son ensemble. C'est justement parce que la centralisation est puissante, la vie commune forte et énergique, que la vie locale est faible. Je dirais même que c'est là la beauté de notre pays. Il n'a pas cette tête de l'Angleterre monstrueusement forte d'industrie, de richesse, mais il n'a pas non plus le désert de la Haute-Écosse, le cancer de l'Irlande. Vous n'y trouvez pas comme en Allemagne et en Italie 20 centres de sciences et d'art. Il n'en a qu'un, un de vie sociale. L'Angleterre est un empire, l'Allemagne un pays, une race. La France est une personne. Thank you. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire qui s'intéresse aujourd'hui à ces textes fondateurs, ceux qui font de la nation. Nous venons d'entendre la lecture par Nathalie Canoui d'un extrait du Tableau de la France de Jules Michelet au 19e siècle. Michelet réfléchit la nation et il dit « la France est une personne ». Et dans cette volonté de retrouver des textes fondateurs, parfois de les inventer au sens de les créer et parfois de les inventer au sens de les interpréter d'une certaine manière, il y a la volonté de créer une personne en la nation. Il faut rendre concrète la nation. Oui, alors la France est une personne, mais dans le cadre de ces émergences de nations au XIXe siècle, chaque nation est conçue comme une personne. C'est conçu comme un être collectif, continu, des origines très très anciennes jusqu'au temps présent. Et c'est ça le véritable mythe. C'est le mythe de cette unité collective donc qui traverse les siècles et qui, en quelque sorte, va dépasser toutes les espèces de réalités historiques qu'on peut par ailleurs invoquer et remarquer que ces historiens, puisqu'ils sont fondateurs aussi de l'histoire, y compris de l'histoire scientifique, ce sont les mêmes qui vont nous écrire des histoires nationales et poser les principes de l'histoire scientifique. Mais il s'agit de trouver un principe qui va en quelque sorte permettre de poser l'unité transséculaire de la nation à travers tous les aléas de l'histoire qui inviteraient plutôt à imaginer des histoires morcelées et puis des séries de hasards. Alors, le principe qui va être invoqué, c'est celui du génie national. Il y a cette espèce de souffle immatériel, mais qui constitue la communauté, quand bien même elle n'existe pas encore, quand bien même elle n'existe plus, quand bien même elle n'a rien à voir avec ce qui est la réalité historique d'une époque. On peut dire, à partir de ce moment-là, nos ancêtres les Gaulois. Quand bien même, entre la France de 1830 ou de 1870 et la Gaule, il y a des mondes très différents. Mais il y a cette espèce de fiction qui va permettre de poser la communauté nationale. Et c'est vraiment, là encore j'y insiste, c'est très très important parce que finalement l'histoire va être la seule, l'histoire et cette immatérialité du génie national, ça va être le seul moyen de faire tenir une communauté qui a vocation, en plus d'être démocratique, d'être le plébiscite renouvelé de tous les jours. Pour que le plébiscite renouvelé de tous les jours fonctionne, sans qu'on sombre dans le chaos, pour que cette nation elle soit souveraine, il faut quand même l'ancrer dans du solide. Et le solide, c'est la lourdeur des siècles. Le plébiscite de tous les jours, c'est la conférence de Renan, qu'est-ce qu'une nation en 1882. Et Renan, historien, il fait une démarche, il s'intéresse à l'histoire de Jésus, oui. Qui regarde le passé. Oui, mais Renan va avoir une formule absolument admirable pour exprimer ce paradoxe quand même de l'histoire nationale. Il va déclarer que l'oubli, et il dit Renan, je dirais même l'erreur historique, sont des facteurs essentiels dans l'établissement d'une nation. Et du coup, dit Renan, le progrès des études historiques est un sérieux danger pour la nationalité. Donc il l'intègre bien, il le sait bien, que finalement, il faut de l'histoire, mais pas trop. Il faut de l'histoire, mais pas trop, oubli, erreur. Et puis, Anne-Marie Thiès, cette question du mensonge, parce qu'il faut le dire clairement, ces gens-là ne sont pas des menteurs. Dans leur démarche, ils ne sont pas en train de faire œuvre de faussaire. Ils croient en ce qu'ils font, il y a une vraie vocation. Oui, ils y croient, ils veulent convaincre, et ils sont persuadés que c'est effectivement substituer une vérité plus forte, une vérité forte, une vérité importante, à des mensonges qui ont précédé. On écrit l'histoire nationale contre les histoires d'anciens régimes qui sont mensongères, et puis dans un certain nombre de cas, contre ce qui pourrait être les abus, les errements d'une histoire se référant par trop au catholicisme ou à la volonté divine. Vous avez cité, Anne-Marie Thiès, ce cas formidable de nos ancêtres, les Gaulois. L'interprétation est essentielle pour s'accaparer comme ça une histoire. Je vous donne un exemple dans une archive. Vous allez voir, nous sommes dans les années 50, mais c'est d'une magie cette petite archive. Vous voyez combien ils avaient une vaisselle fine. C'était des gens raffinés que ces prétendus sauvages. Regardez comme il est bien fait, ce gobelet, comme il est élégant de forme, avec son petit pied. Celui de droite, vous voyez, celui qui est bistre, on dirait une flûte à champagne. Et regardez le plus grand gobelet en bas, comme il est élégant, avec ses décors linéaires. Qu'est-ce que les Gaulois buvaient dans ces gobelets? Peut-être de la cervoise, peut-être de l'hydromel, en tout cas certainement des boissons fermentées, car ils aimaient bien boire, c'était nos ancêtres. Nos ancêtres, les Gaulois, dans l'émission Écoutez voir en 1955, émission consacrée au musée pédagogique. Anne-Marie Thiès, c'est formidable parce que nos ancêtres, Gaulois bien sûr, mais ils font comme nous en fait, ils ont la même vie que nous. Exactement, puisque si nos ancêtres doivent être des modèles pour les comportements des Français contemporains et justement s'ils doivent donner des leçons pour les petits-enfants de l'école, c'est parce qu'ils ont fait l'objet de projections rétroactives, c'est-à-dire qu'ils ont été imaginés, représentés comme nous voudrions que soient les générations actuelles. C'est un passé pour le présent. C'est un passé pour le présent, mais c'est un passé pour le présent avec toujours cette marge d'erreur, si je reprends l'idée de Renan, de complexification de la chose quand le contexte évolue. Et c'est vrai que la notion de nation vit, naît dans un contexte particulier, mais ce contexte change. Dès lors, quelle est la place pour ces textes fondateurs ? Alors, il y a des textes fondateurs qui peuvent tomber complètement dans l'oubli. C'est le cas, justement, des textes attribués à Ossiane, qui ont quand même, j'y insiste, été extrêmement importants pour toute l'Europe pendant un siècle. C'est pas rien pour qu'un texte littéraire puisse être vraiment créateur pendant un siècle. En Europe et puis même aux États-Unis, parce qu'il y a eu des tentatives aux États-Unis de construire des épopées pour les États-Unis. Mais ça tombe après dans un relatif oubli, et même l'Écosse aujourd'hui ne se réfère pas à Ossiane dans le cadre d'un renouveau nationaliste. Elle a d'autres références. Il y a d'autres textes, comme tout ce qui se réfère à nos ancêtres les Gaulois, qui est régulièrement réactualisé. Il y a eu nos ancêtres les Gaulois version 1880, ils étaient très républicains, comme on sait. Il y a eu la version 1914-18, c'était donc nos modèles pour les combattants. Il y a eu des Gaulois pétainistes. Avec le régime de Vichy. Et puis, il y a les Gaulois des années 60 que nous connaissons bien, version Astérix. C'est-à-dire le français râleur, mais plein d'humour, renouvelé après dans des adaptations cinématographiques. Donc, quand nous parlons aujourd'hui de nos ancêtres les Gaulois, ce que nous avons en image, ce sont les versions filmiques des créations de Uderzo et Goscinny. Effectivement, il y a ce texte fondateur. Texte médiéval, retrouvé, inventé. Et puis, il y a son écho littéraire, ou alors au cinéma, Ivan Noé. Qu'est-ceci, encore un concurrent ? Je croyais que nous avions fait le vide. Sire Chevalier, votre nom ou votre rang ? Je tiens mon nom secret. J'ai fait vœu d'allégeance à Richard Plantagenet, roi d'Angleterre. Êtes-vous normand ou saxon ? Saxon. Désignez votre adversaire par le heurt de votre lance sur son bouclier. Noir comme un corbeau de mauvais présage. Le sang va vite l'habiller d'écarlate. Un extrait du film Ivan Noé en 1952, un film de Richard Thorpe. Anne-Marie Thiès, l'écho littéraire est très large. L'écrivain se saisit de ses textes fondateurs, en fait un roman, et ce roman, lui, a une postérité qui ne peut pas s'arrêter comme un texte que l'on va dire faux. Ça peut continuer toujours. Oui, alors, Ivan Noé, il n'y a pas de référent historique à Ivan Noé, ça n'est pas du tout une invention. C'est un roman. C'est clairement une fiction présentée comme telle, créée par quelqu'un qui a fait sa carrière comme auteur de poèmes historiques, comme on fait à l'époque. Et puis, à la fin de sa vie, il a besoin d'argent. Et il va créer un nouveau modèle romanesque, le roman historique, avec quelques personnages réels. Richard Cœur de Lion, son frère, auquel on va donner une psychologie vie adaptée au goût du début du 19e siècle. Et ces romans de Walter Scott, et notamment Ivanhoé, ça va être un peu comme Ossiane, ça va avoir une répercussion dans l'ensemble de l'Europe absolument extraordinaire, et ça va avoir des imitations, ça va inspirer deux courants. Celui du roman historique, dont on sait l'ampleur extraordinaire qu'il a prise dans toute l'Europe au XIXe siècle, et puis l'écriture de l'histoire nationale. Parce que ce que Walter Scott va proposer à ses lecteurs, c'est l'idée justement d'une communauté d'individus, parce que la nation moderne, c'est une communauté d'individus qui ont chacun leur position sociale, leur psychologie, etc., mais qui interagissent. Même quand ils ne se rencontrent pas. C'est ça le principe de la communauté nationale. Ils sont liés même quand ils ne se voient pas. Il y a une unité en quelque sorte d'action. C'est le principe de la nation. Et dans Ivanhoé, on a des personnages. Bon, on a le roi, on a son méchant frère et rival. On a des chevaliers, on a des bourgeois. On a un marchand juif et sa fille, la belle Rebecca. On a des hors-la-loi. C'est précisément le moment où apparaît cette notion de outlaws, le hors-la-loi. C'est-à-dire qu'il faut de tout pour faire une nation. Et donc, c'est ce que propose, sous une forme unitaire, Ivanhoé, avec d'ailleurs aussi une idée, c'est la double race, hein, les Normands et les Saxons qui se combattent et qui vont s'unir, en quelque sorte, qui vont faire par un mariage la liaison. Ça va être un modèle extraordinaire, parce que pour ceux qui cherchent à l'époque à trouver un modèle d'écriture pour l'histoire nationale, ça n'existait pas, il fallait inventer le moyen de mettre ensemble des individus appartenant à des catégories sociales complètement différentes. L'idée que l'histoire, elle n'est pas faite que par les puissants. Il faut de tout pour faire une nation. Dans l'histoire nationale, il va y avoir des héros bourgeois, paysans, il va y avoir des femmes, il va y avoir même des enfants, et des hors-la-loi, et des réprouvés. Donc là, on va avoir ce modèle qui est fourni et qui permet en même temps de montrer comment des volontés sociales, des désirs sociaux sont des moteurs de l'histoire. Donc là, on a cette fiction extraordinaire comme modèle d'écriture qui va vraiment aider à écrire les histoires nationales. Et puis, on va avoir la prolifération des romans historiques qui vont vulgariser de manière extraordinaire l'histoire nationale dans toute la population et inspirer des pièces de théâtre, inspirer des tableaux, inspirer des chansons, plus tard des films. Ou maintenant encore des séries. Voilà, quelque chose qui est partout dans la société. Nous avons cette période magnifique de la fin du 18e et du 19e où se mettent en place ces textes alors fondateurs que l'on retrouve, que l'on invente parfois, que l'on crée. Et puis l'écho qui dure. Anne-Marie Thiez, vous nous avez dit que pour certains, le débat continue. Vous avez écrit la création des identités nationales en Europe 18e, 20e siècle. On pourrait rajouter un petit bâton pour faire un 21e siècle, parce que ça ne cesse jamais si l'on réfléchit. Mais on pourrait prendre, j'ai envie de dire, n'importe quel pays en Europe aujourd'hui, n'importe quelle nation, que ce soit le Kosovo, la bataille de Kosovo-Polié, une bataille du 14e siècle entre chrétiens et musulmans qui est réinterprétée. Ça ne cesse jamais en vérité. Mais non, la question de la bataille du Kosovo et de son interprétation comme étant la défaite des troupes serbes par rapport à, face aux troupes de l'Empire ottoman, mais peut-être, comme disaient certains, une trahison venue de ceux qui auraient pu être les ancêtres des Albanais ou des choses comme ça. Cette bataille du Kosovo, cette bataille médiévale du Kosovo, ça a été quand même intensément mobilisé dans la Yougoslavie finissante pour créer un antagonisme et susciter des haines extrêmement violentes entre Serbes et population albanophone. Non, c'est toujours réactivable pour le pire, et le pire a existé récemment, il est encore toujours possible. Mais aussi peut-être pour le meilleur, parce que on sait par exemple actuellement que les séries historiques turques ont un énorme succès dans les Balkans, voire en dehors des Balkans. Enfin, il y a aussi toute cette culture qui va circuler de manière transnationale et qui va apprendre aux uns et aux autres à se servir, à prendre plaisir aux mythes nationaux des autres nations. Pour le meilleur, effectivement, Anne-Marie Thiez, c'est juste pour faire écho à pour le pire, mais il ne faut pas tout jeter, parce que nous sentons bien que ces mythes-là font partie de notre identité commune. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir ce regard de l'historien, de l'historienne, une certaine distance, mais de savoir qui est Vercingétorix et qu'il n'est pas, ça fait aussi partie de ce ciment qui nous réunit tous. Un élément important du ciment national, c'est d'avoir des références communes, y compris des références acquises depuis l'enfance, de pouvoir sentir ça, de pouvoir avoir même des plaisanteries communes sur ces fondements. Oui, une nation, c'est aussi... Ce sont des émotions communes, hein. Ce sont des souvenirs communs, comme l'avait exprimé Renan ou comme l'ont exprimé beaucoup d'autres historiens depuis. Ça peut pas être simplement une espèce d'abstraction idéologique, hein. Tous les désirs de construire d'ailleurs des communautés politiques fondées uniquement sur la raison échouent, parce que nous ne sommes pas que des êtres de raison. Nous avons besoin de ce tissu. Nous sommes aussi des êtres qui avons besoin, pour exister, de fiction. Et c'est ce qu'avaient bien compris tous ceux qui ont mis en place ces textes fondateurs et qui les ont utilisés, je pense, aux écrivains, c'est de mettre cette émotion. Et là, on est en écho direct avec Michelet. On a cette émotion. Mmh. Elle est encore là. Anne-Marie Thiès, vous les connaissez très bien, tous ces mythes-là. Il y a un sens du récit. On va dire qu'il pourrait donner des leçons aux scénaristes d'aujourd'hui sans souci. Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a. Mais si effectivement cela a tant plu à nos ancêtres, s'ils s'en sont tellement saisis, s'ils s'en sont tellement inspirés, c'est que effectivement la formule était excellente et elle correspondait tout à fait à leurs sentiments, à leurs besoins, à leurs désirs. Et on peut dire que toutes ces productions littéraires ont aidé à des changements politiques absolument majeurs, puisque finalement, les nations, au sens que nous donnons à ce terme, n'existent pas à la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, c'est quand même désormais le principe politique le plus fort qui existe et qui va entraîner avec lui un certain nombre d'idéaux auxquels nous sommes attachés, ceux d'égalité, ceux de démocratie, ceux de respect des droits, ceux de respect de l'individu, qui vont partir par cela. Donc des fictions. Et comme dirait Renan, oui, des oublis, des erreurs historiques peuvent être utiles pour faire avancer les choses. Eh bien, écoutez, pour avoir un regard sur ces oublis et ces erreurs historiques, moi je conseille à tout le monde de lire La création des identités nationales en Europe 18e, 20e siècle, et puis La fabrique de l'écrivain national entre littérature et politique, qui vient d'être publié chez Gallimard. Merci vivement Anne-Marie Thiès de nous avoir fait voyager au milieu de tous ces textes fondateurs. Vous avez les yeux qui pétillent quand vous les évoquez. Et nous, c'est un plaisir de vous écouter. Nous retrouvons tout de suite Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, alors qu'une conférence de presse du gouvernement se fait attendre, oui, nous l'attendons, quand la communication du pouvoir politique se faisait, alors là, de manière criante. Quelle est la meilleure façon de communiquer les décisions du pouvoir ? Aujourd'hui, les conférences du gouvernement se font le plus souvent dans l'espace contrôlé des salles de presse des ministères, devant une forêt de micros et de caméras répertoriées et accréditées. Au Moyen-Âge, c'est le cri qui transmet dans l'espace public les messages du pouvoir royal. On crie les informations, les nouvelles lois, les règlements, mais on ne crie pas n'importe comment, c'est l'objet de l'article de Véronica Novak dans la dernière livraison de la revue historique. Le crieur attitré, voire assermenté, représente l'autorité lointaine qui s'exprime aux yeux et aux oreilles de toutes et tous. Sa présence familière signale la prise de parole politique dans le tumulte du paysage très sonore des villes médiévales. Oyez, oyez, bonnes gens de l'an ! Que les hommes ne viennent point au bain les jours que les femmes y vont ! Que nul ne soit assez hardi pour qu'il fasse justice lui-même sans nous appeler. Nous et nos députés. Que nul n'aille à travers la ville, une fois la dernière cloche sonnée, sans s'être muni de clarté. La manière de crier et les gestes qui l'accompagnent sont codifiés. La voix ne doit pas être monocorde et le crieur s'annonce au moyen d'une trompette ou plus modestement d'une crécelle, d'un tambour ou d'une clochette qui accompagne le traditionnel « oyez, oyez » pour signaler sa présence et ce qu'il s'apprête à faire en brandissant de manière ostentatoire le document qui sera lu pour en attester l'authenticité. Le crieur a son libre arbitre dans le choix de son parcours. Si sa tournée commence souvent à la porte de Paris ou à l'hôtel de ville, ses trajectoires varient, c'est un bricoleur de rituels. Ses stations changent en fonction du thème de ce qu'il doit annoncer, prix du poisson ou tenue correcte exigée dans les tavernes. Le plus important dans sa mission, l'efficacité dans la transmission du message. un message et des informations utiles. Par exemple, prévenir de la présence de l'armée aux abords de la ville pour éviter une panique et rappeler aux soldats qu'il est interdit de piller les habitants au cours de leur séjour. Au début du XVe siècle, pour interdire toute prise de parole universitaire dans l'espace public, les lieux d'exercice du crieur informent autant que le message lui-même. Le lieu où le cri se fait entendre marque aussi la volonté d'intimider ceux qui voudraient malgré tout enfreindre cette nouvelle règle de censure et y prendre la parole. On pourrait croire que le cri contribue à l'extension maximale de l'espace où s'exerce l'autorité politique. Mais Véronica Novak note que les parcours des crieurs parisiens ignorent les nouveaux quartiers de la fin du Moyen-Âge. Leur parcours n'est pas un outil de conquête politique sur l'espace urbain de la capitale, il sert plutôt à maintenir une présence et un contrôle déjà existants dans les centres historiques. C'est par la répression que la justice royale franchit ses frontières urbaines dans ces mêmes années, en y installant des scènes d'exécution au début du XVIe siècle. La répression semble plus efficace que la communication dans ces espaces récemment peuplés à faire entrer dans le rang. Aujourd'hui, la société et les technologies de l'information ont confiné depuis longtemps ces rendez-vous solennels de communication gouvernementale, bien avant qu'une épidémie ne coure les rues. Merci beaucoup Anaïs Kien. Le journal de l'histoire est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire, histoire du mensonge, les démocraties ont-elles inventé la propagande? Calomnies, rumeurs, murmures, comment circulaient les fausses informations? Faussaires, mais vrais artistes, histoire du faux en peinture. Et les mythes nationaux sont-ils des tissus de mensonges? Des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Marie Placé avec aujourd'hui Jean-Frédéric à la technique, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Merci à toutes. Demain, à l'occasion de la Nuit des Idées, restons proches, une histoire du toucher. Oui, nous allons parler du toucher.